caché. Dans le morceau deep, deep, deep, deep, deep, da, da. Engagé dans le morceau jusqu'au cou. Without debt. And thank you very much. Je connais pas. Je ne peux qu'improviser. Des textes d'Arthur Rimbaud ou de toi.